بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا درس جديد في هذه السلسلة الفرق الضالة Aujourd'hui on continue cette série de cours sur Al-Firaq, Al-Dhallah, les groupes égarés. Walillahil hamd, dans des assises précédentes, on a étudié ensemble certains de ces groupes. Walyaoum, on étudie ensemble, bi-ikhtisar, en résumé, hadhihi Al-Firqa, Al-Dhallah, Firqatu Al-Jahmiyya. Wa nas'alu Allah Azza wa Jal al-I'ana wa al-Sadat. هذه الفرقة الجهمية فهي نسبة إلى الجهم ابن صفوان الزنديق أخزاه الله. Ce groupe, les ulama, ils l'ont appelé الجهمية. لماذا؟ لأن le, ou celui qui a propagé ces égarements qu'on va voir ensemble بإذن الله, c'est الجهم ابن صفوان. Donc ils ont appelé le groupe Al-Jahmiyya. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية والزنادقة فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل ترمذ وكان صاحب خصومات وكلام. فالإمام أحمد رحمه الله عليه ست أن الجهم كان من أهل خراسان من أهل ترمذ. Et cette ville elle est connue, c'est la ville de l'imam At-Tirmidhi rahmatullah alayhi. أصل الجهم c'est من ترمذ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية rahmatullah alayhi ثم في أواخر عصر التابعين ظهر التكلم ببدعة الجهمية نفاة الصفات في أواخر عصر التابعين. À la fin de l'époque des At-Tabi'in, et la génération qui est venue après celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Wa lam yakun lahum ijtima' wa sultan illa ba'd al-mi'ah al-thaniya. Au départ, ils n'avaient pas un groupe avec des leaders. Thumma, après une certaine durée, fa kama qala Sheikh al-Islam, قال في إمارة أبي العباس الملقب بالمأمون فإنه أظهر التجهم وامتحن الناس عليه قال وعرب كتب العجم. ثم quand ils ont réussi à convaincre المأمون, c'est un gouverneur à l'époque, il a accepté هذا الفكر وامتحن الناس, et parmi ceux qu'il a emprisonné et fouetté à l'imam Ahmed ibn Hanbal rahmatullah alayhi. Cette mihna que l'imam Ahmed rahmatullah alayhi a vécu et d'autres imams, on l'a détaillé walillahi alhamd ma'a ba'd al-ikhwan. Qala ibn Taymiyyah rahimahullah fi al-Hamawiyya, al-Fatwa al-Hamawiyya al-Kubra, thumma aslu hadhihi al-maqala. Al-an, on sait que al-Jahmiyya, c'est une nisba, les ulama les ont appelés al-Jahmiyya. C'est en référence à un de leurs leaders, Al-Jahm ibn Safwan. Et cette secte, elle est apparue à la fin de l'époque de At-Tabi'un, radiyallahu anhum. Thumma, ils ont réussi à convaincre Ba'd al-Umara, qu'al-Ma'moun, et cette bid'a, elle s'est propagée jiddan. Qala Cheikh al-Islam, rahmatullah alayhi, thumma asl hadhihi al-maqala at-ta'til lis-sifat. Ce groupe, son principal égarement au départ, c'était vi as-sifat. Sifat ar-Rahman azza wa jal. Qala inma huwa ma'khudh min talamidati al-yahud wal-mushrikin wad-dhullal as-sabiin. Hadhihi al-bid'ah al-haqiqa asluha, ay les racines, les fondements de ce groupe, c'est min al-yahud wa min al-mushrikin. قال رحمة الله عليه وأول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن درهم وأخذها عنه الجهم ابن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. نستفيد من هذا أن في الحقيقة celui qui a fondé cette secte c'est Al-Ja'd ibn Dirham, le cheikh de Al-Jahm ibn Safwan. Lakin lama Al-Jahm ibn Safwan, c'est lui qui a plus propagé هذا الشر وهذا الإلحاد. فالعلماء ils ont appelé cette secte Al-Jahmiya. Et là on sait qu'un des fondateurs c'est Al-Ja'd ibn Dirham et c'est le cheikh de Al-Jahm. وقد قيل إن Al-Ja'd أخذ مقالته عن أبان ابن سمعان. الجعد il a pris هذا الفكر الخبيث أي تعطيل الصفات et tous les égarements qu'on verra ensemble inshallah de الجهمية. الجعد ابن درهم il a pris هذا القول الخبيث من أبان ابن سمعان وأخذها أبان من طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم. أبان il a pris هذا القول من طالوت وأخذها طالوت من لبيد ابن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وطالوت il a pris هذا القول الخطير من لبيد ابن الأعصم. C'était un juif أخذه الله et c'est lui qui a fait du sihr au prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. هذا ça nous montre أن كثير من البدع. Et on avait vu هذا كذلك في فرقة الروافض أن الفوندمون دو سي جروب كثيرا سي من اليهود ومن النصارى ومن المنافقين. فسا نو مونتخ أن الأعداء الكفرة لا يزالون إن سيسيرون دو كومباتغ هذه الأمة المحمدية avec tout ce qu'ils ont comme moyen. فهذا أو هذه الفرقة الجهمية c'est une فرقة qui a été fondée sur l'ilhad ou al-kufr, comme il a démontré Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. كذلك ça nous montre أن الكفر قديما وإلى يومنا هذا ils se servent دائما de بعض السفهاء بعض الزنادقة, ils se servent d'eux pour faire du façade à l'intérieur de la umma. Tu as un exemple avec le jahm et في عصرنا كذلك بعض الزنادقة qui sont très très proches de l'kafara, ils se servent d'eux pour combattre Ad-Din. À l'époque de l'Jahm, c'était un fikr jadid. Ayyadam billah, ta'atilun fi sifatillahi subhanahu wa ta'ala wa fi asma'ih. Et vous allez voir des aqwal ajiba, aqwal khatira, du kufr wadih. Et ils ont combattu l'islam ou les muslimines bi hadith tariqa. Et à notre époque, c'est nafsa shay. At-tariq yu'id nafsa. À notre époque, كذلك, بعض الزنادقة الآن, ils appellent à réformer l'islam. Ils appellent à changer l'ahkam. أن هذا القرآن, il est plus adapté. Et ils se servent de بعض السفهاء. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit من العرب ou من العجم. Et ils se servent d'eux pour combattre الدين. ولكن, ولله الحمد, لا تزال طائفة من هذه الأمة الظاهرة على الحق منصورة. علماء جهابدة من أهل العلم أنهم يكونتينوا depuis l'époque de l'imam أحمد إلى يومنا هذا يكونتينوا هذا الجهاد العظيم contre الزنادقة et contre أهل الأهواء. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه, on va citer beaucoup de ses paroles في هذه الكلمة لأنه il a détaillé dans plusieurs de ses livres l'égarement de هؤلاء الجهمية. ثم بعد ذلك وفق الله سبحانه وتعالى أئمة السنة وولاة أمورهم في ذلك الزمن فقتل الجعد والجهم أخزهم الله. ثم à une certaine époque après que cette bid'a elle soit propagée, فالحمد لله الجعد والجهم ils ont été tués par الأمير à l'époque. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الفتاوى وأمر علماء الإسلام كالحسن البصري وغيره بقتله أي الجعد. العلماء à l'époque ils ont fait des fatwa أن الجعد ابن درهم أي الشيخ ذو الجهم il doit être tué. لماذا؟ لأنه c'est un كافر, c'est un زنديق. Il a dit des paroles très très graves. قال شيخ الإسلام فضحى به خالد بن عبد الله القصري أمير العراق بواسط فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم ويكلم موسى تكليما ولم يكلم موسى تكليما الخبيث الزنديق إلى أوزي دير أن الله سبحانه وتعالى إلى بابخي إبراهيم كم خليل كذلك إلى أوزي دير هذا الخبيث أن الله سبحانه وتعالى إلى بابخ لأم موسى مع أن الأدلة واضحة لكن هذا المبدأ أن عندهم الله إلى بط صفات فأنكروا ذلك لكن لله ولله الحمد هذا الأمير خالد بن عبد الله القصري إلى أبت هذا الزنديق يوم العيد ولله الحمد قال ابن القيم رحمة الله عليه في النونية شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان ابن القيم رحمة الله عليه dans sa poésie النونية يغمغسي هذا الأمير شكر الضحية كل صاحب السنة فهكذا السني يفرح quand un zindiq un مجرم واحد qui combat le din même s'il se dit musulman et il se fait emprisonner ou il se fait tuer par l'amir فالسني يفرح لماذا لأن السني sa محبة et son bond son alliance son amour sa haine c'est par rapport au din c'est pas avec les sentiments أما في هذا الزمن أحيانا تتخوف واحد يكمبت الدين ليلا ونهارا يكمبت أهل العلم يسرابخوش دو الأعداء من الكفر والمنافقين وكنت يريب quelque chose تتخوف كثير من الناس يسون touché par les sentiments لماذا لأنه يسدي مسلم لماذا لأنه إلي أبخيمي si c'est un zindiq on doit être comme ابن القيم رحمة الله عليه إلى cité في هذا البيت علماء السنة إزت على هذا لماذا لأنهم فرحوا أن هذا الضال المضل أنه يسفتوي في الحقيقة سينصر لدين الله فالسني يفرح quand الدين il est propagé et il est منصور et il est attristé quand واحد يبقى faire du mal au الدين والله سبحانه وتعالى ناصر الدين وقال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية ثم ما لبس جهم حتى قتله سلم ابن أحوز أمير خراسان بمقالته هذه سنة 28 ثم ولله الحمد كذلك الجهم il a été tué في خراسان par الأمير l'année 180 de l'Hégire ولله الحمد قال ابن كثير رحمه الله وقد أخذ مقالته هذه عنه بشر ابن غياث المريسي أبو عبد الرحمن شيخ المعتزلة قبحه الله وقبح من أخذ عنه وهو أحد من أضل المأمون الجهم سفتوي son شيخ سفتوي الجعد لكن البدعاء سبخباجي ثم بشر هذا الخبيث ابن غياث المريسي il a propagé هذه البدعة حتى c'est lui qui a réussi à convaincre أمير المؤمنين المأمون أن القرآن c'est pas la parole d'Allah القرآن il est مخلوق المأمون كما تعلمون il a éprouvé et il a emprisonné كثير من أهل العلم هكذا c'est ça l'histoire pour te montrer كيف وصلوا إلى هذا الحال أنهم ولله الحمد على عقيدة أهل السنة لأن cette période الآن ils sont encore très proches de la période de الصحابة رضي الله عنهم فالناس إذا على الفطرة إذا على علم لكن اليهود أخزهم الله فلا يزالون يحاربون avec مثل هؤلاء الزنادقة الجعد والجهم وبشر وابن أبي دؤاد et d'autres من رؤوس الجهمية المعتزلة ils ont fait du mal à la أمه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في بيان تلبيس الجهمية ومبدأ التجهم كان من الزنادقة المنافقين سسا le résumé de cette introduction أن ce groupe الجهمية c'est un groupe qui a été fondé par الزنادقة par المنافقين par اليهود فلهذا on verra ensemble أن إن شاء الله أن ce groupe ne fait pas partie des 72 groupes égarés من المسلمين لا الجهمية c'est un groupe qui n'a rien à voir avec l'islam كالروافض أما les 72 groupes c'est des groupes c'est des musulmans لكن ils ont des égarements et ils ont al-inhiraf wa khalafu as-sunnah. Amma haoula, c'est un groupe, il n'a rien à voir avec l'islam. Bal wallahi annahum sont akfar min al-yahoud wa al-nasara dans certains points. Wa qala al-imam ibn Abi al-Izz rahmatullah alayhi fi sharh at-tahawiyya. Il a cité une qissa rahmatullah alayhi pour nous montrer le niveau de al-kufr wa al-zandaqa que al-jahm il avait atteint yadan billah. قال وكان جهم بعده بخراسان فأظهر مقالته هناك وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شاكا في ربه. الخبيث il avait délaissé la salat 40 jours. لماذا؟ لأنه il avait des doutes في ماذا؟ في ربه. قال ابن أبي العز رحمه الله وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمانية من فلاسفة الهند قوم يجحدون الإله. عياذا بالله, c'est un groupe qui est venu d'Inde et ils ont une munaqasha, ils ont polémiqué, ils ont une discussion avec al-Jahm. Ça nous montre la gravité de polémiquer avec Ahl al-Bid'a wa al-Ahwa, avec Ahl al-Kufr, avec al-Zanadiqa, avec al-Mulhidin. L'insan, là, il est à l'abri. Ils ont des choubes. L'insan, même balagha, il est vaïf. Le muwaffaq, c'est celui qui s'écarte d'Ahl al-Shar. Hadha al-Zindiq, il a eu cette discussion avec Ha'oula. Qawmun, ils croient pas en Allah aslan. من الهند يبني داند تعلمون أن هناك إلى يومنا هذا يدي ملاحدة مشركين من جميع الفرق هنا. فالسقرب قال ابن أبي العز الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات. هذا المبدأ إلى موجود إلى يومنا هذا, أنهم لا يؤمنون إلا بالحسيات, أي سكيلفو سيفو با إن شوز هؤلاء كروبا. وهذا المبدأ موجود الآن عند الكفرة كما يقولون هذا سكنتخدي عقيدة المؤمن. أما المؤمن فيؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Pourtant المؤمن il a jamais vu le malaïka tant qu'il est vivant, il a jamais vu Allah, لكن يكروه. لماذا؟ لأن المؤمن c'est un mu'min li'annahu yu'min bil ghaib, li'annahu il croit en l'invisible. C'est ça un mu'min. Amma ha'oula al-qawm, c'est le contraire. Faqalu li al-jahm, hadha rabbuk alladhi ta'buduhu hal yura aw yusham aw yudhaq aw yulmas. Ils ont dit al-jahm, tu adores hadha al-ilah, ay Allah, est-ce que tu l'as déjà vu? Est-ce que tu le sens? Tu peux le sentir? Est-ce que tu peux le toucher? Est-ce que tu peux le goûter? N'ayyadam billah. Shubha. Qala al-jahm. La. Et il a répondu la. Faqalu huwa ma'doum. Et ils lui ont dit, donc tu adores une chose qui n'existe pas. Tu ne l'as pas vu, tu ne peux pas le sentir, tu ne peux pas le toucher. Fabaqiya 40 yawman la ya'bud shay'an. Après hadha, suite à cette discussion, 40 jours, il n'adorait plus Allah subhanahu wa ta'ala. La salat wa la shay. لماذا؟ لأن الرجل il avait aucun lien avec l'ilm. الرجل il avait aucun contact avec أهل العلم. Ça arrive une choubha, لكن il faut demander. أما الخبيث هذا 40 jours il a délaissé le din, il est sorti من الدين. ثم لما خلا قلبه من معبود يألهه. هذا كلام ابن أبي العز. Quand الشيطان il a vidé son cœur de tout. Il n'adorait plus Allah. Il a eu des doutes. قَالَ نَقَشَ الشَّيْطَانُ وَاِتِقَادًا نَحَتَهُ فِكْرُهُ. Le shaitan, il en a profité pour faire rentrer un nouveau fikr dans le cœur de هذا الخبيث, الجهم. فَقَالَ أَيْ الْجَهْمُ. Il a conclu, après cette réflexion de 40 jours, أنه c'est devenu un zindiq, أنه الوجود المطلق. Il a répondu après 40 jours. An Allah subhanahu wa ta'ala, il est mawjoud, lakin un wujud, al-wujud al-mutlaq. Wa nafa jami' as-sifat wa ittasala bil-ja'd. Al-wujud al-mutlaq, ay Allah il existe, lakin il n'a pas de sifat. On verra cette mas'ala, annahum ya'taqidun an Allah il est partout, il n'y a aucune différence entre Allah et la créature, ayyadan billah. Et wa'aduhum al-ghula أنهم نفوا جميع الأسماء والصفات لا يعتقدون أن الله il est au-dessus ou il est en bas ou à droite ou à gauche. لا يعتقدون بشيء أي عندهم الله سبحانه وتعالى il n'existe pas. عياذا بالله. وروى عبد الله ابن الإمام أحمد رحمة الله عليه كذلك الإمام البخاري في خلق أفعال العباد أن رجلا من أصحاب الجهم رأى الجهم ابن صفوان يوما افتتح سورة طه هذا يتمواني أنه إلى الجهم ابن صفوان مرة إلى غسيتي أو إلى أوفر المصحف لباج دي سورة طه فلما أتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى Quand il est arrivé à ce verset, Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa, قال, il l'a entendu dire. Et Al-Jahm il a dit, "Law wajadtu as-sabil ila hakkaha la hakaktuha." Et si je pouvais effacer ce verset, je l'aurais effacé. Zindiqun mujrimun kafir. لماذا؟ لأن ce verset il montre أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de son trône, au-dessus de sa créature, 'azza wa jalla. فالخبيث avec son nouveau fikr ça l'a dérangé فإلا espéré pouvoir effacer هذه الآية من المصحف فائدة قال الإمام الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام الجهم بن صفوان المتكلم الضال il a résumé la biographie de الجهم المتكلم الضال رأس الجهمية أساس البدعة كان ذا أدب ونظر وذكاء وفكر وجدال ومراء تستفيد من هذا أن الإمام الذهبي رحمة الله عليه الآن vous avez un bref aperçu de الجهم أنه مجرم un زنديق un كافر مع هذا الإمام الذهبي رحمة الله عليه après avoir cité son égarement قال كان ذا أدب وذكاء ونظر أي il était intelligent il avait الأدب un bon comportement إلى آخره تستفيد من هذا أخي الكريم أن الذكاء والأدب مع الانحراف سأكون utilité عند الله سبحانه وتعالى. فماذا استفاد؟ Au contraire, هذا الذكاء, cette soi-disant intelligence et ce comportement, ça l'attirait beaucoup à polémiquer مع الناس. حتى عياذا بالله, il a perdu son dit. فاحذروا الميزان, ce n'est pas l'intelligence ou le bon comportement. Ça c'est tayyib quand c'est fondé sur l'iman. Lakin al-mizan al-haqiqi c'est al-taqwa, c'est al-ittiba', c'est al-inqiyad lillahi 'azza wa jalla. Fa kam min dhaki yuharib al-islam. À notre époque là, kam min athkiya. Des gens ils ont beaucoup d'intelligence ila akhirah, ils ont les moyens de comprendre lakin yuharibuna al-islam. Et tu trouves rajulun min 'awam al-muslimin alhamdulillah Allah waffaqa fa ila 'ala khayr. كذلك الأدب. Ça ne suffit pas seul. بعض الكفار الآن, en apparence, ils ont un bon comportement. لكن c'est fondé sur le hawa. Si tu le contredis dans certaines choses, il change. أما المؤمن, il fait des efforts dans le comportement et ce comportement, il doit être basé sur une croyance صحيحة. وإلا فلا ينفع. Est un exemple avec هذا الخبيث الجهم ابن صفوان. كذلك on répète إياك وإياك والجدال والمراء مع أهل البدع والأهواء مع أهل الكفر. Vous savez très bien أن كثيرا منهم ils veulent pas le haq. أنت quand tu polémiques معه هو il a un but, c'est de te faire sortir de ton din ou de te faire accepter ses principes. On n'a pas le droit نحن de rentrer dans leur jeu à هؤلاء, perdre notre temps. المؤمن السني السلفي il fait الدعوة, c'est lui qui accepte alhamdulillah. Celui qui accepte pas, Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha. Elle va se mélanger, khasatan al-an, avec tous ses moyens, internet ou autre, et polémiquer avec ahl al-kufr, avec ahl al-shur, khasatan, wahed qui n'a pas étudié, qui ne connaît pas au sol ahl al-haq, qui ne connaît pas les fondements kadhalik de ahl al-shur, que ce soit le jahmiya ou le rawafid, il rentre ma'aha ula farubbama yazir. C'est pour ça que ulama al-sunnah, ils ont mis en garde, قديمًا إلى يومنا هذا, ils mettent en garde contre الجدال والمراء مع أهل الأهواء, أي polémique. أما أصول الجهمية, les fondements de ce groupe, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وجهم Ce groupe, il a deux fondements principaux, deux os. قال شيخ الإسلام الأول نوع في الأسماء والصفات. Ils se sont égarés في هذا الباب العظيم الأسماء والصفات. فغلا في نفي الأسماء والصفات. Ils ont exagéré عياذا بالله et ils ont conclu أن الله سبحانه وتعالى il a pas de nom, il a pas d'attribut. Ça c'est leur premier égarement. Deuxième égarement, الغلو في القدر والإرجاء وهذا ولله الحمد تقدم معنا فجعل أي الجهم الإيمان مجرد معرفة وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة. Et ces deux points on les a détaillés ولله الحمد dans la kalima qu'on a fait sur القدرية الجبرية. Et on avait vu أن الجهمية c'est des جبرية في القدر أي يعتقدون أن العبد لا pas de قدرة et il n'a pas d'irada. Il est forcé. Tout est écrit et l'être humain, il n'a pas le choix. Si Allah t'a guidé, tu n'as pas le choix. Si tu es garé, tu n'as pas le choix. Et ça contredit Iman al-Muslimin, Iman al-Sunnah fil Qadr. Et on l'a détaillé, walillahi alhamd, on ne répétera pas. Kadhalik al-Irja. Annahum yaqouloun anna l'Iman mujarrad ma'rifa. L'Iman, c'est le fait de reconnaître faqat. Même s'il si ne prononce pas shahada, même s'il si n'applique pas, même s'il si ne croit pas, tant qu'il reconnaît, c'est l'iman. Et al-kufr indahum, c'est le jahl, c'est celui qui ne sait pas. Enfin, celui qui sait en Allah, il existe, il a akhiré, c'est un mu'min. Même s'il ne croit pas, même s'il ne s'adak pas, yadam billah. Wa hada, on l'a vu en détail dans la kalima sur al-murji'a. On va surtout détailler qalil al-ma yata'allak bis sifat. Amma ta'til al-sifat, faqala al-imam الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام قلت فكان الناس في عافية وسلامة وسلامة فطرة حتى نبغ جهم فتكلم في الباري تعالى وفي صفاته بخلاف ما أتت به الرسل وأنزلت به الكتب. الناس كما قال الإمام الذهبي رحمه الله عليهم ذات في سلامة وعافية أي لبقت الصحابة رضي الله عنهم الحمد لله ذات في سلامة في هذا الباب وفي غيره. ثم هذا الخبيث il est sorti avec cette bid'a. Et vous avez remarqué que dans les sectes précédentes leurs égarements c'était كثيرا في ما يتعلق بالأحكام على المؤمنين أي est-ce que فلان c'est un مؤمن أو c'est un كافر أو de l'égarement dans certains points de l'aqidah. لكن هؤلاء leur égarement et leur طعن c'est في رب العالمين جل وعلا. C'est pour ça que هذه الفرقة c'est من أشد الفرق في الضلال والإنحراف avec الروافض. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في رسالته النافعة لمحة عن الفرق الضالة. C'est une رسالة très courte. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى il cite beaucoup de ou plusieurs sectes الجهمية والمعتزلة والخوارج إلى آخره et il cite Havidallah un bref aperçu de chaque groupe. فقال في الجهمية أنهم لا يثبتون لله اسما ولا صفة. الخبثاء الضلال ils disent que Allah il n'a pas de nom, il n'a pas d'attribut. يزعمون أنه ذات مجرد عن الأسماء والصفات. أي Allah سبحانه وتعالى il n'a pas de nom et il n'a pas d'attribut. Et ils ont des choubah. Cheikh Al-Fawzan il a cité deux. Et c'est leur principal choubah في هذا الباب. الأولى قال لأن إثبات الأسماء والصفات بزعمهم يقتضي الشرك وتعدد الآلهة كما يقولون هذه شبهتهم اللعينة. مع أن هؤلاء يبخطون سويف العقل لا غيزن. فتأمل هذا المبدأ إسد شبهة كما الخالف العقل لا غيزن ولا أكسبت با هذا. يقولون أن السيتدي أن الله سبحانه وتعالى سي الرحمن سي الرحيم سي الحي سي القيوم أنه إلى صفة الوجه واليدين والعلم والقدرة سيتدي أن الله إلى سينو سي زاتخيبو سي كوم سيتديزي كيا بلوزيغ آلهة عيادا بالله. قال الشيخ الفوزان ولا ندري ماذا يقولون في أنفسهم لو تأملوا في أنفسهم قال فالواحد منهم يوصف بأنه عالم وأنه غني وبأنه صانع وبأنه تاجر صحيح أن هؤلاء سي réfléchir un peu مثلا فلان من الناس on dit que c'est un tajir c'est un commerçant كذلك il est généreux كريم كذلك il est grand كذلك il est de telle nationalité وهكذا tu sais des أوصاف et probablement il a des noms des surnoms est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes أبداً C'est une personne et elle peut avoir plusieurs noms ou des surnoms et des attributs. Et Annahu Mathalan, c'est un commerçant et il fait du sport et kada wa kada. Est-ce que ça implique Anna il y a plusieurs personnes Fal Khogadha, ils ont compris Hakada. Ayyadam Billah. Qala Sheikh al-Fawzan, Fal Wahid minhum lahu iddatu sifat. Hal ma'na dhalik an yakun iddatu ashkhas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes هذه مكابرة للعقول لا raison elle accepte pas هذا et c'est leur قول المصيبة أنهم قالوا هذا في حق الله جل وعلا فتو les noms qui sont cités في القرآن وفي السنة tous les attributs عندهم ils les acceptent pas pourquoi لأن si tu les acceptes tu fais du shirk deuxième شبهة قال ومن شبههم أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه Et ça c'est shubhatu jami' al-mu'attila. Que ce soit al-jahmiya, que ce soit al-mu'tazila, que ce soit al-mufawwida, que ce soit al-asha'ira, al-muharrifa, al-maturidiyya. Tous les groupes qu'ils ont n'haravu vi bab al-sifat, c'est à cause de cette shubha. Qalu, anna si tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage, kama qala subhanahu wa yabqa wajhu rabbik. Allah subhanahu wa ta'ala il s'est attribué un visage enfin, nous on dit qu'il a un visage hum yaqulun si tu dis qu'Allah il a un visage tu le fais ressembler à la créature faqalu il n'a pas de visage tu trouveras un autre qawm qu'on étudiera ensemble inshallah annahum ils ont dit le visage c'est bima'na kada ils ont interprété et ils ont déformé one half al-musiba anna al-jahmiya même sifatu al-ilm que chaque musulman il accepte anna Allah il a العلم المطلق يكون التو سبحانه هم قالوا لا si tu dis qu'Allah il a du ilm tu le fais ressembler à la créature il a pas de ilm بعضهم ils ont exagéré عياذا بالله من غلاة الجهمية كما ذكر شيخ الإسلام في التدمورية أنهم حتى صفة الوجود صفة الوجود أن الله il existe بعضهم قالوا لا si tu dis qu'il existe tu le fais ressembler à la créature لأن la créature elle existe عياذا بالله فبهذه الطريقة نفوا جميع الأسماء والصفات. Et في الحقيقة كما بين أهل العلم، ils ont fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala au ma'doum. Le ma'doum c'est quelque chose qui n'existe pas, le néant. Ils ont fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala au ma'doum. Alors qu'ils voulaient s'écarter du tashbih du tamthil et ils sont tombés في ما هو أشد. أما المسلم المؤمن السني فسا عقيدة لفوندي سو قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير rien ne ressemble à الله سبحانه وتعالى c'est le سميع c'est le بصير مع أن السمع والبصر c'est deux صفات qui sont dans beaucoup de créatures les êtres humains beaucoup d'animaux et آخره ils ont صفات السمع والبصر لكن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء on a cette عقيدة أن الله il a des attributs et ces attributs ressemblent en rien à ceux de la créature. قال الشيخ الفوزان لأن هذه الصفات يوجد مثلها في المخلوقين وهذا قول باطل لأن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم فلا تشابه. Prends صفات العلم. Chaque mu'min dit أن الله سبحانه وتعالى c'est tout. C'est العليم من أسمائه العليم. Et la صفة العلم. Et l'être humain كذلك. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم il a démontré أن بعض العباد ils ont du علم. Et le prophète sallam كذلك العلماء ورثة الأنبياء فالعلماء c'est ceux qui ont du علم والله سبحانه وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ça montre que les êtres humains ils ont du علم est-ce que ça veut dire que le علم c'est le même que celui d'Allah عيدا بالله Allah il sait tout أما l'être humain مهما بلغ من العلم même s'il a atteint très haut niveau في العلم فإن oublie il sait pas tout il connaît pas l'invisible il connaît pas le futur il connaît pas le tout ce qui s'est passé Et Hakada, il peut se tromper. Il n'est pas ma'soum. Illa man asamahu Allah subhanahu wa ta'ala min al-anbiya wa al-rusul. Sifatul hayat. La vie. La chaque mu'min, il y a taqid d'an Allah, c'est le hay. C'est le vivant Azza wa Jalla, il a sifatul hayat, la vie. Est-ce que on va dire, iyadan billah, anna cette vie ressemble à celle du makhlouq? La. Al makhlouq, la shakan Allah khalaqahu min al adam. Il n'était rien, c'est Allah qui l'a créé. Kadalik, il goûtera la mort. Kadalik, cette vie, al-insan, il a des maladies, il a des oublis, des épreuves. Wa hakada. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'awwal, c'est l'akhir. C'est al-hakim, il est parfait. Azza wa Jal, dans ses noms et dans ses attributs. Donc il n'y a aucune comparaison à faire. Lakin, al-mu'attil umouman. Et dans notre dars al-jahmiya, inharafu min hadalba. Fahdhar, akhi al-karim, de ces choubahs. Aqidat al-salaf, elle est très simple. Nuthbit ma athbatahu Allahu azza wa jalla li nafsih. Wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui a min ism ou sifa fil Qur'an wa sunnah, on dit que Allah il a cette sifa, cet attribut. Et on s'écarte du tamthil et du takyif et du ta'til et de toutes ces maladies, iyadan billah. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون الحقيقة لقول الجهمية exactement قول فرعون كما بين ابن تيمية رحمة الله عليه قال وهو جحد الخالق ففي الحقيقة هم لا يؤمنون بالله كم فرعون قال وتعطيل كلامه ودينه إدتس الإسلام. هذا le fondement de ce groupe, c'est min a'da'illah, comme on a vu dans l'introduction, min al-yahoud wa min al-zanadiqa. Kama kana fir'aun yaf'al fa kana yajhad al-khaliq jalla wa ala wa yaqul ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri. Et dans l'autre verset, wa ana rabbukum al-a'la. Hakada kana yaqul fir'aun ay jahd al-khaliq, il prétendait que c'était lui. Qala wa kana ay fir'aun yunkir an yakun الله كلام أن نعم يمكن أن يكون الله كلم موسى أو يكون لموسى إله فوق السماوات. فرعون لماذا إلى كومباتو موسى؟ لأن موسى إلى بلي التوحيد عضو الله سبحانه وتعالى إلى آخره. فرعون نية يغجته أن رب موسى إلى أوتسو دي سيو وأن الله إلى بغلي موسى exactement comme الجهمية. الجهمية ينكرون أن الله إلى صفة الكلام وينكرون أن الله إلى أودسو دو سون ترون أودسو دو لا كرياتور. قال ويريد أن يبطل عبادة الله وطاعته ويكون هو المعبود المطاع. لماذا فرعون إلى أجي أنسي pour que les gens ils adorent plus Allah et ils l'adorent lui. هكذا الجهمية يحاربون الدين et pour écarter les gens du din ils ont nié, ils ont rejeté الصفات. فلما كان قول الجهمية المعطل النفاة يؤول إلى قول فرعون كان منتهى قوله إنكار رب العالمين وإنكار عبادته وإنكار كلامه. C'est ça, le résultat c'est le même. Ils rejettent le din et ils se sont basés sur deux choses. Rejeter les صفات خاصة صفة الكلام. أي أن الله سبحانه وتعالى يتبعل. On cite quelques أمثلة avant de passer à un autre point. أي بعض الأمثلة فتعطيل الصفة. Des exemples. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأول من عرف في الإسلام أنه أنكر الله أو أنه أنكر أن الله يحب أو يحب الجهم بن صفوان صفة المحبة. فالخبثة يقولون tu peux pas dire j'aime Allah et tu peux pas dire كذلك أن الله يلم. لماذا؟ قال والشيخ هو الجعد ابن درهم وكذلك هو أول من عرف أنه أنكر حقيقة تكليم الله لموسى وغيره. أول من أنكر هذه الصفات هؤلاء. ثم أن قوم les a suivi من المعتزلة والأشاعرة etc. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تأمل الآية. ينكرون المحبة والله سبحانه وتعالى في القرآن يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون الله اللي زام إيه إزام الله. القرآن il est clair. هم يقولون لا. Si tu dis المحبة tu fais ressembler Allah à la créature et ça veut dire qu'il y a une liaison entre Allah et الخلق وهكذا عيادا بالله خرافات. Et ils ont rejeté هذا. Alors que النص القرآني il est clair. قال ابن تيمية رحمة الله عليه وكان أهل العلم والإيمان قد عرفوا باطن زندقتهم ونفاقهم ونفاقهم وأن المقصود بقوله من القرآن مخلوق. Pourquoi الآن tout ça? On l'a déjà cité. لكن تأملوا هذا الكلام. أن الله لا يكلم ولا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول وبهذا تعطل سائر الصفات. Pourquoi? Vous avez remarqué qu'il y a eu un صراع كبير بين أهل العلم والجهمية المعتزلة في صفة الكلام. أي ils ont prétendu هم أن القرآن il est مخلوق. وعلماء السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ثبتوا وصبروا حتى ils se sont fait emprisonner, fouetter إلى آخره pour défendre cette عقيدة أن القرآن c'est la parole d'Allah. تأمل pourquoi. قال وفيه أيضا قدح في نفس الرسالة فإن الرسل إنما جاءت بتبليغ كلام الله. Si عيادا بالله واحد يكخوه أن القرآن c'est pas la parole d'Allah, أن القرآن c'est une créature comme ils disent الجهمية et croit plus en صفة الكلام والعلم إلى آخره. أولا هذا القرآن pour lui il aura pas une grande valeur, c'est un مخلوق من المخلوقات عيادا بالله. Ça veut dire que les ordres, les interdits, c'est une créature. أما المؤمن qui a la conviction أن c'est كلام الله عز وجل فإي va lire هذا القرآن et va lui donner une importance plus que autre chose. ثم قال وفيه أيضا قدح في نفس الرسالة فإن الرسل إنما جاءت بتبليغ كلام الله فإذا قدح في أن الله يتكلم كان ذلك قدحا في رسالة المرسلين. كذلك هذه الرسالة الرسل ils ont patienté, ils ont fait un jihad كبير pour la propager. Chaque nabi, chaque rasoul l'a propagé son livre. فالجهمي dit que c'est مخلوق عيادا بالله. فسي أن قدح سي طعنون. C'est une critique envers ce rasoul et le dîn qui propage. قال فعلموا أن في باطن ما جاءوا به قطحا عظيما في كثير من أصلي الإسلام. وفي الحقيقة العلماء ils ont su que le جهمية en disant que le Coran il est مخلوق il critique le dîn. خاصة les deux fondements شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est exactement ce qu'ils essayent de faire le kafara de nos jours. Vous avez remarqué que يطعنون في القرآن ليل نهار أنه يفل شانجي أنه il est plus adapté. لماذا حتى ce musulman il ressent plus cet amour envers le Coran, envers كلام الله عز وجل. بل بعضهم الآن ربما il a peur de l'appliquer حتى il n'est pas taxé de terroriste, de radicaliste حتى il éloigne du Coran et il le remplace par autre chose. La laïcité, la démocratie, la liberté, toutes les lois qu'ils ont inventées, qui sont fondées sur le kufr. Hakada, à l'époque de l'Jahm, ils ont essayé d'écarter An-Nas min al-Qur'an en disant qu'il est makhlouq. Hakada, à notre époque, en disant qu'il est plus adapté. Al-insan yihdhar. Amma al-mu'min, qui a cette aqida, An-Allah yatakallam. An-Nas Qur'an, c'est kalam Allah. An-Allah, il a créé pour l'ibada. An-Allah, il lui a ordonné de suivre le Qur'an. Il donnera beaucoup d'importance au Qur'an. Et le Qur'an, fihi al-huda wal-nur. Qala. أو انتهى كلام شيخ الإسلام من بيان تلبيس الجهمية. On cite une deuxième صفة, صفة العلو. أي أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de sa créature. عز وجل. قال شيخ الإسلام في الفتاوى رحمه الله فكان قدماء الجهمية يقولون إنه بذاته في كل مكان. قدماء الجهمية أي les premiers من الجهمية il disait que Allah il est partout. Il n'y a pas de différence entre la créature et Allah subhanahu wa ta'ala. عيادا بالله. وأما حقيقة قولهم فهو النفي. لكن لو تأملت le premier point qu'on a cité في الصفات التعطيل النفي هم يديس que Allah il n'a pas de nom, il n'a pas d'attribut. Ceux qui exagèrent حتى الوجود, حتى الوجود Allah il existe, ils disent tu ne dis pas il existe ou il n'existe pas حتى tu ne le fais pas ressembler à la créature عيادا بالله. ففي الحقيقة ça veut dire quoi هذا? Ça veut dire que Allah il n'existe pas pour eux. فلهذا قال شيخ الإسلام وأما حقيقة قولهم فهو النفي أنه لا داخل العالم ولا خارجه. بعض الجهمية يقولون tu dis pas qu'Allah il est au-dessus de la créature, tu dis pas qu'Allah il est avec la créature, il est où? فيقولون il est pas à l'intérieur, il est pas à l'extérieur. هذا c'est العدم. بعض العلماء قالوا أن si tu veux définir العدم, le néant, quelque chose qui n'existe pas, أفضل التعريف هو تعريف الجهمية. Il est pas à l'intérieur, il est pas à l'extérieur. Donc il n'existe pas. أما السني يقول أن الله il est فوق السماء. ما بالك الآن مسلم il lui retire cette aqida en Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam. Et le Coran c'est kalam Allah. Thaniyan, il lui retire hada en Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas au-dessus, il n'est pas en dessous, il n'est pas à l'extérieur. Fa hada le mu'min, qu'est-ce qu'il va adorer? Fa li hada al-Jahm ibn Safwan, quand cette aqida est rentrée dans son cœur, il a délaissé salat, il a délaissé din. Ça vous montre que hadil firqa, c'est un groupe qui a été fondé par a'da'ullah pour égarer les musulmans. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul a'amintum man fis sama' an yakhsifa bikum al-ard. Ta'ammal ce verset. A'amintum man fis sama' an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur. Le mu'min ka cette aqida, awalan ce verset, il sait que c'est min kalamillah. C'est la parole d'Allah azza wa jalla. Kadhalik, il sait que Allah il est au-dessus et il le voit et il entend et il sait tout. Et Allah il peut le châtier à tout moment. Ça va faire quoi à ce mu'min, le fruit de cela? Mu'min yakhaf Allah. Il fera attention de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala jalla wa ala wa huwa al-qahir fawqa ibadihi wa huwa al-hakim. Wa huwa al-qahir fawqa ibadihi wa huwa al-hakim al-khabir. Al-qahir fawqa ibadihi. Al-qahir. Il a le qudra, il a tout ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, il peut châtier qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Tout le monde est en dessous de son hukm, taht sultani, fi mulke. Personne ne sort de hada. Hada, ça va pousser le mu'min à craindre Allah azza wa jalla. Le mu'min, il ne fait pas ce qu'il veut, il sait qu'Allah il est qadir alayhi. Al-Jahmiya, ils ont enlevé tout ça. Wallah musta'an. Un autre point, et kadhalik, il est grave, an al-Jahmi yu'min bi fana il-Jannah wal-Nar. Ils ont une aqida, iyadun billah. An al-janna tafna, wa an-nar tafna. Al-fana, c'est disparaître. Qala Abu Muhammad ibn Hazm, rahimahullah, fil fasl, ittafaqat firakul umma kulluha. Tous les groupes de l'umma, les égarés et, alhamdulillah, ahlul haqq, ahlul sunna, ils sont tous d'accord, ala anna la fana lil janna, ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا الجهم بن صفوان. الجهم لا خالف فيها. أي كالجنة tous les délices, les récompenses, إلى آخر que le mu'min recevra في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. Ça s'interrompra pas. Ça restera دائما وأبدا. الجنة. كذلك النار. وعذاب النار. Ça restera أبدا pour le kuffar. Amma, on précise, un al-mu'min, même s'il rentre finnar, à cause de ses péchés, et d'achat Allah subhanahu wa ta'ala, il sortira al-jannah. Amma al-nar, elle reste, ou al-kuffar, ils sortiront jamais. Al-jahm ibn Safwan, al-jannah, ça s'arrêtera, et al-nar, ça s'arrêtera. Ayyadam billah. Qala Allah azza wa jal, wa qalu, lan tamassana al-nar illa ayyaman ma'douda. Qul attakhadtum inda Allahi ahda, falan yukhlifu Allahu ahda. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا قول الكفر اليهود. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Ils ont prétendu أن ils iront en enfer, et le châtiment du feu il les touchera que une courte durée. Comme ils ont dit le جهمية أن عذاب النار s'arrêtera. قال عز وجل قل أتخذتم عند الله عهدا. Qui c'est qui vous a informé de ça? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a garanti ça? Abadan. Qala azza wa jalla, taquluna 'ala Allah ma la ta'lamun, bal man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu, fa ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il montre bal man kasaba sayi'atan. On précise هنا ان السيئه هنا c'est السيئه الكبرى, c'est le kufr wa shirk. Il ne faut pas comprendre de ces versets comme ils ont compris le Khawarij. Celui qui fait un péché, un grand péché, il sort min al-islam. Ils se sont basés sur ce genre de versets. Là, les ulama, ils ont expliqué bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. As-sayi'a huna wal khati'a, c'est al-shirk wal kufr. Est-ce qu'il fait sortir de l'islam? Qala azza wa jalla, fa'ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit hum fiha khalidun. Ils sortiront jamais. Pour l'éternité, ils resteront finnar. Al-Jahmiya disent là, ça s'arrêtera. Ma balouk là, on répète, muslim, ayyadam billah, cette aqida elle croit dans son, cette aqida elle rentre dans son cœur. Ça va ouvrir un bab de shara adib. Même si il obéit pas, même s'il s'éloigne pas des interdits, même s'il adore pas Allah, de toute façon, nar, ça s'arrêtera. Ayyadam billah. Alors que là, al-Jannah ça reste, ou al-Nar, ça restera éternellement. Hikmatullahi subhanahu wa ta'ala, et Al-Jannah, ça motive le mu'min de faire des efforts, il a la conviction, s'il meurt à l'islam, il sera récompensé éternellement. Kadhalik, ça fait peur au mu'min al-nar. S'il n'obéit pas, s'il ne se soumet pas, s'il n'adore pas Allah Azza wa Jal, c'est pas un musulman, et il meurt, fa'iyadan billah, il rentre dans le nar et il ne sortira jamais. Hadha al-mu'min, il est entre khawf wa raja. Et al-jahmiya, tout ça, abtalouh avec leur. Leur i'tiqad al-ba'atil. Hadhi ba'd usul al-jahmiya. Et taqaddam ma'ana, on répète, ma yata'allak bi al-aqidat al-jabriya, ay fil qadar, annahum y se sont égarés. Qal shaykh al-islam, fa'huki anhum annahum qalu, inna al-abd majbour, annahu la fi'la lah, aslan, wa laysa bi qadirin aslan. Ça c'est leur aqida. Anna l'insan il est majbour, il est forcé. Cette aqida elle rentre dans le cœur d'un musulman. Annahu il est forcé, il va faire jami' al-muharramat. Annahu il est forcé, il n'a pas le choix. Iyadan billahi. Kadhalik ta'nun fi rabbil alamin annahu anna hadha c'est du zulm. Hadha alhamdulillah taqaddam dans l'étude de la secte al-jabriya. Et l'autre point al-irja' anna al-jahmiya c'est des murji'ah fi al-iman. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه فقالت الجهمية الإيمان معرفة الله بالقلب وإن لم يكن معها شهادة لسان tant qu'il reconnaît Allah سبحانه وتعالى c'est un mu'min même s'il dit pas shahada avec sa langue عياذا بالله ولا إقرار بنبوة même si il admet pas et il reconnaît pas et croit pas que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم c'est un nabi وهكذا جميع الأنبياء ولا شيء من أداء الفرائض إمام سيفي غيان من الأعمال فلا نطق ولا عمل malgré cela tant qu'il reconnaît معرفة فسي مؤمن عندهم الكفر سي الجهل celui qui ignore qui connaît pas الدين qui connaît pas الله سي un كافر celui qui connaît سي un مسلم وهذا والله الحمد تقدم معنا في فرقة المرجئة on termine avec أقوال الأئمة في الجهمية قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم أي الجهمية الإمام البخاري والله الحمد كونس أقوال اليهود والنصارى والمجوس كونس la croyance des juifs, des chrétiens, de المجوس قال فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم قال il a dit أنا j'ai pas vu un قوم avec autant de كفر que هؤلاء الجهمية وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم الإمام البخاري رحمة الله عليه قال il est étonné أن واحد يدي que الجهمية c'est pas des كفرة إلا واحد qui les connaît pas عام من العوام ما يعرف حالهم أما العلماء ولله الحمد فكفروا الجهمية ويكفرون الجهمية إلى يومنا هذا وكان عبد الله بن المبارك ورحمة الله عليه الإمام يقول كما في السنة لعبد الله بن أحمد رحمهم الله الجهمية كفار هذا لا شك فيه العلماء أئمة السلف كفروا من قال بخلق القرآن celui qui dit القرآن إلى المخلوق كفروه العلماء الإمام أحمد أطر Que dire de Ha'oula avec tous les égarements qu'on a vus, tawam masaib qu'ils ont, ayyadan billah. Ou l'imam al-Lalaka'i, rahmatullah alayhi, il a cité akthar min 500 imams, ou alim, plus de 500 savants à l'époque des salaf, annahum kaffaru al-jahmiya. Hada, c'est clair, walillahi alhamd. Amma les références, celui qui veut approfondir, hada, fa salaf. Ils ont beaucoup mis en garde contre ce groupe, خاصةً à l'époque de l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, لأن الجهمية بدعته التعطيل وبدعته خلق القرآن, ça s'est beaucoup propagé à leur époque. فالإمام أحمد rahmatullah alayhi, il a écrit un livre الرد على الجهمية. كذلك الإمام الدارمي rahmatullah alayhi, il a écrit un livre في هذا. كذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه خلق أفعال العباد كذلك بعض العلماء ils ont écrit des livres في عقيدة أهل السنة et ils ont mis en garde contre أهل البدع والشر et parmi eux الجهمية كالإمام Ibn Battah rahmatullah alayhi fi kitab al-Iban al-Kubra, كذلك الإمام الآجري في كتاب الشريعة والإمام اللالكائي رحمة الله عليه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وبكو دوتخو ليف كذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية بيان تلبيس الجهمية ومجموع الفتاوى والتدمورية والحموية وبكو دو ليف يرد على هؤلاء على الجهمية كذلك ابن القيم رحمة الله عليه إنها كتاب نافع جدا السواعق المرسلة. Lakin, ils n'ont jamais retrouvé le livre complètement, ils ont imprimé une partie faqat, l'autre partie elle a été perdue. Lakin, walillahi alhamd, un imam il a fait un mukhtasar, il l'a résumé en quelques volumes et il est nafi. Fal'inaya bi 'aqidati as-salaf as-salih. Vous avez remarqué que al-a'da qadiman wa hadithan, ils combattent l'islam en combattant 'aqidat al-muslimin. Depuis l'époque, le premier groupe, le Khawarij, après le Rawafid, on est arrivé à l'Jahmiya, et il a yomina hada. Fait le muslim qui ne connaît pas sa aqida, il est en danger. Lianna al-kafir, il peut lui faire croire une chose ou lui mettre des doutes. Hada, c'est anfa' al-ulum. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah, bi asma'ihi wa sifatih. On conseille jami' al-ikhwan de faire des efforts fi hada et d'étudier. Ou là où un livre mukhtasar. C'est pas tout le monde qui peut lire Kutub Sheikh al-Islam, Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, les livres de l'imam Ahmed, de l'imam Bukhari. Il faut dans la langue arabe, il faut un certain niveau. Lakin, ala l'aqal al-insan, yadrus al-wasitiyya, fiha khir, kathir. Il étudie le qa'id al-mutla de Sheikh al-Uthaymin. C'est une risala très simple. Il a expliqué aqidat al-muslim fil asma'i wa sifat. Kadalik, il étudie al-tahawiyya avec shuruhat al-ilm. Il donne de l'effort. Son temps, il le consacre à hada ou une partie de son temps. On ne fait pas l'erreur, on ne fait que la langue arabe comme certains, on ne fait que certains ulum, al-usul, ou al-mustalah, ou ces choses qui nous aident faqat à comprendre. Ou on ne fait que de la mémorisation et on ne connaît rien de notre aqidah. Première shubha, elle nous met des doutes, iyadun billah. On fait des efforts via hada al-bab. On fait des efforts, que ce soit la lecture, que ce soit des recherches, que ce soit des études, des écoutes d'audio, ou des assises directement avec Ahl al-Ilm, celui qui peut. C'est une ni'ma azima. كذلك الحذر bien sûr من هذه الافكار خاصه انها موجوده الان. Ne pas croire que ces firaq qu'on cite quand on a cité le bref historique annahu c'est à l'époque annahu il y a pas aujourd'hui. Il y a ce fikr aujourd'hui, lakin le nom il a changé. La méthode elle change. Wa illa فالبعض الى الان يقولون ان الله ليس في السماء. بعضهم إلى الآن يقولون أن القرآن c'est pas كلام الله هذا القرآن. Et on verra tout ça en étudiant deux groupes ensemble. Et ces deux groupes, ils ont pris bid'at al-jahmiyya, certains fondements, et ils ont rejeté certaines choses. لكن التعطيل et d'autres choses, ils l'ont pris. Le premier groupe al-mu'tazila et le deuxième groupe al-ash'ira. Et ces deux groupes qui sont très propagés اليوم à notre époque في الأمة. Inch'Allah ta'ala, notre prochain cours sur les sectes, ça sera sur Al-Mu'tazila. Nas'alullah azza wa jalla al-tawfiq, wa salama wa sadad. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.